Nibigira. La mise en onde est assurée par Epita Sandai Chimie. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée en français de ce 19 avril 2019, dont voici tout d'abord les principaux titres. L'article 43 du projet de loi portant révision du code électoral a créé polémique à l'Assemblée nationale dans son analyse, lors de l'analyse de ce projet de loi. C'était ce mercredi. Il dispose que la signature sur le PV, les procès-verbaux électoraux, par les mandataires politiques est obligatoire, ce qui ne signifie toutefois que les résultats sont annulés en cas d'absence de signature d'un mandataire. Et après la semaine donnée par le ministère de l'Énergie et Mines pour réorganiser la régie des eaux, cette entreprise publique comprend désormais de nouveaux responsables au niveau de service. Et vous entendrez le ministre Kome Manilakiza qui l'annonce. Et le Burundi semble avoir fait marche sur place en matière de liberté de presse. Il occupe la 159e place comme l'année passée dans le classement annuel sorti par RSF Sans Frontières au niveau mondial. Et à Makamba, on parle de mauvais état de la route Makamba-Bururi. Voilà pour les grands titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je vous le disais tout à l'heure, la régie des eaux est aujourd'hui dotée de nouveaux responsables au niveau de services et dans certaines provinces. L'annonce est du ministre burundais de l'eau, énergie et mines ce jeudi en marge d'une assemblée générale avec le personnel de l'Office burundais des mines et carrières OBM. Le ministre Kome Manirakiza a en outre indiqué que l'évaluation des contrats de performance sera de rigueur afin de relancer la situation financière de cette société de distribution de l'eau et de l'électricité. Suivez-le, il est au micro de notre consoeur Mireille Kanyang. Nous avons participé à la réunion de l'Assemblée générale du personnel de la Régie des eaux. Alors, pendant cette assemblée, nous sommes convenus du changement des responsables des services jusqu'au niveau des cellules pour qu'on puisse doter de ces services de nouveaux responsables. Ceci pourquoi ? Parce qu'on avait remarqué très bien que ceux qui étaient là, pratiquement ne parvenaient pas à faire le travail comme il le fallait. On avait donné à la Régie des eaux un délai d'une semaine pour avoir procédé à ces changements. Alors, chose dite, chose faite. Aujourd'hui, la Régie des eaux est dotée de nouveaux responsables, même au niveau des services, même au niveau des provinces. Certaines provinces n'ont fait des retouches. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans les préparatifs de pouvoir rencontrer la nouvelle équipe pour que nous puissions leur donner les nouvelles directives pour pouvoir travailler à la hauteur de l'entreprise. Mais aussi, nous voulons que très prochainement, nous puissions justement avancer dans le cadre de l'évaluation des contrats de performance. Quand on parle de contrats de performance, malheureusement, ce n'est pas dire que tout le monde comprend très bien. Raison pour laquelle nous avons demandé à la direction générale de pouvoir chercher dans les plus brefs délais comment ces nouveaux responsables puissent être formés dans les plus brefs délais pour que nous puissions procéder à l'évaluation très prochainement des contrats de performance qu'on aura signés avec ces responsables. À partir des résultats, c'est à ce moment qu'on verra avec qui on peut continuer à travailler ou qui peut être encore retouché jusqu'à ce qu'on puisse être sûr de l'équipe qui est réellement capable de pouvoir faire avancer l'entreprise. Pour rappel, le ministre Kome Manirakiza avait rencontré le personnel de la Régie des eaux en date du 29 mars dernier en Assemblée générale, où il a mis en exergue des irrégularités dans cette entreprise. C'était notamment la corruption et les malversations économiques, particulièrement les stocks dits morts de plus de 13 milliards de francs burundais en personnel pléthorique, ne faisant qu'augmenter la masse salariale de l'entreprise. Une semaine avait été accordée à la direction générale pour restructurer le travail. Pour ces différentes irrégularités, cette direction avait promis de réagir plus de 4 fois, mais jamais ne l'a fait. Et l'organe de régulation et de conciliation des confessions religieuses au Burundi apprécie positivement la note circulaire du ministère de l'Intérieur suspendant l'implantation de nouvelles églises et mosquées dans la ville de Bujumbura. Charles Ndou Mukama, président de cet organe, espère que cette mesure permettra la diminution de prolifération d'églises. Il demande aux administratifs à la base de suivre de près cette mesure. Suivez. Notre réaction, c'est une très bonne appréciation de la part du ministre de l'Intérieur. Si vous regardez dans le passé comment les églises s'implantaient ici à Bujumbura, en tout cas ça a amené une confusion, ça a amené l'insécurité même entre les membres de ces églises et entre les serviteurs de Dieu. Comme ça alors, comme Bujumbura est saturé, donc il y a eu quand même une pensée qui disait qu'ils doivent aller à l'intérieur du pays, l'intérieur du pays qui a été abandonné par nous, soi-disant serviteurs de Dieu, nous devons vraiment aller commencer à prêcher la parole de Dieu à l'intérieur du pays. Et même chercher le développement là à travers ces confessions religieuses. Donc notre appréciation est très positive. Vous savez, le gouvernement veut faire le contrôle. C'est pourquoi on a voulu séparer ça. Donc l'association doit s'occuper uniquement du développement et les confessions religieuses doivent uniquement s'occuper des cultes pour ne pas vraiment amener les confusions envers l'administration. En fait, la venue de plusieurs églises n'était pas mauvaise. Seulement, l'expérience nous a montré qu'il y a franchement à 13h05, je vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Allez également sur Facebook Isanganiro Burundi et n'oubliez pas de liker. Page média, comme je le disais tout à l'heure, le Burundi occupe la 59e place dans le classement de Reporters sans frontières, RSF, de cette année sur un total de 180 pays à travers le monde. La même place que le pays occupé dans le classement de l'année passée. Selon le rapport de RSF, la suspension des médias dans les radios internationales ont été des mesures qui limitent la liberté de la presse au Burundi. Le même rapport trouve que les pays de l'Afrique, ont encore un pas à faire dans la promotion de la liberté de la presse. Le point avec Pacifique Chouaïro. Selon son nouveau classement, Reporters sans frontières trouve que l'Afrique subsaharienne n'échappe pas à la nouvelle dégradation mondiale de la liberté de la presse. La haine des journalistes, les attaques contre les reporters d'investigation, la censure sont une réalité, même si RSF note que la liberté de la presse a connu d'importantes évolutions en 2018. Dans son classement qui s'effectue sur 180 pays, le Burundi maintient sa 159e place comme en 2018 à cause notamment de la fermeture de deux radios étrangères, la BBC et la Voix d'Amérique. Comme en 2017, la Somalie, 164e, reste le pays africain le plus meurtrier pour les journalistes, selon RSF. Trois professionnels de l'information y ont été tués, victimes des terroristes Shabab et des forces de sécurité. La République centrafricaine, 145e, perd 33 places au classement après le triple assassinat des journalistes d'investigation russes. Cependant, certains pays longtemps au bas du palmarès se relèvent. C'est notamment l'Éthiopie, 110e, qui effectue un bond de 40 places à la faveur d'un changement de régime passant par la libération de journalistes et de blogueurs. La Namibie, qui occupe la 23e place dans ce classement, regagne sa première place en Afrique. Le Burkina Faso, 36e, ou le Sénégal, 49e, bénéficient de paysages médiatiques parmi les plus pluralistes en Afrique. Comme en 2017, 22 pays, dont le Burundi sur 48, sont classés en rouge ou en noir, marque d'une situation difficile ou très grave en matière de liberté de la presse en Afrique subsaharienne. Merci Pacifique et Chubahiro. Et à ce sujet, le Conseil national de la communication ne s'est pas encore procuré ce document pour pouvoir réagir. En page sécurité, une personne a été tuée au cours de cette nuit à Moussegni, en commune Mhanda de la province de Bobanza, selon le chef de colline Moussegni. La victime du nom de Miroha Jean-Paul, commerçant au centre de Moussegni, a été assassinée par des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés et qui se sont introduits à l'intérieur de la maison à travers un passage qu'ils ont troué sur le mur de la maison. Sinzinghayo Simon, chef de colline, ajoute que ces malfaiteurs ont emporté une somme d'argent dont le montant n'est pas précisé. La famille explique qu'il avait déjà échappé au bal deux fois à Maranvia et à Gatumba. 5 personnes ont été arrêtées par la police au vendredi matin pour enquête, selon toujours l'administration locale. Je vous l'avais dit en titre, l'article 43 du projet de loi portant révision du code électoral prévoit que les signatures de mandataires politiques sur les procès-verbaux de déroulement d'élections au bureau de vote sont obligatoires. Toutefois, l'absence de signature d'un mandataire politique ne signifie pas l'annulation des résultats électoraux. Lors de l'analyse de ce projet de loi, ce mercredi à la Chambre basse du Parlement, certains députés ont soulevé leurs inquiétudes sur cette disposition. Léonce Vitalio. À l'origine de ces inquiétudes, ce sont les alinéas 4 et 5 de l'article 43 du projet de loi portant révision du code électoral. Le premier stipule que la signature au procès-verbaux est obligatoire et le second dispose que les résultats de l'élection au bureau de vote ne sont pas annulés en l'absence des signatures des mandataires politiques. Le député Agathon Gwassa propose que le second soit effacé. Il demande pourtant la neutralité des présidents des bureaux de vote. L'article 4 stipule que le cachet ou la signature des mandataires des partis politiques ou les mandataires des indépendants est obligatoire s'il y a un procès verbal, plutôt sensibiliser ceux qui ont été évoqués dans l'article 44 de rester neutre dans les bureaux de vote respectifs à ce qu'il n'y ait un mandataire qui chasse un autre ou le malmène pour qu'il ne soit pas frustré et refuse d'apposer sa signature s'il y a un procès verbal. Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, trouve quant à lui qu'une fois l'alinéa 2 effacé, la situation risque de compliquer la CENI et surtout perturber les élections. À ce sujet, le ministre de l'Intérieur, Pascal Ebarandaguié, qui présentait ce mercredi ce projet de loi à la Chambre basse du Parlement, dit que cette disposition prévient la perturbation des élections par les mandataires politiques car, poursuit-il, tout le monde ne souhaitait pas la tenue d'élections au Burundi. Concernant le remplacement d'un indépendant, ce projet de loi prévoit qu'il est remplacé par un membre du parti ou la coalition ayant peu de suffrages. Merci, Léonce Vitalio. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté le projet de décret portant création de l'Office burundais de l'habitat et de l'urbanisme. Cette institution est une combinaison de plusieurs structures impliquées dans l'urbanisme et qui ne répondent plus aux besoins du logement. Prosper Naogwamiye, porte-parole et secrétaire général du gouvernement, explique que cette institution vient apporter une solution pour le logement. On l'écoute. Projet de décret portant création, mission, organisation et fonctionnement de l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat au bois en sigle. Ce projet a été présenté par les services de la deuxième vice-présidence de la République. La population burundaise ne cesse d'augmenter, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Cette croissance continue de la population urbaine implique une croissance continue des besoins en logement. Dans le passé, des politiques ont été imaginées par les gouvernements qui se sont succédés depuis l'indépendance, mais aucune solution durable n'a pu être trouvée. Les structures mises en place pour y faire face ont parfois des missions qui ne cadrent plus avec les exigences du moment. Elles ont besoin d'être restructurées pour qu'elles répondent le plus efficacement possible à l'évolution de la demande en logement, surtout dans les centres urbains. La solution proposée par ce projet de décret est de rassembler certaines institutions existantes impliquées dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction pour mieux les organiser dans une même structure, en l'occurrence l'Office burundais de l'urbanisme et de l'habitat. Il sied de signaler que ce projet avait été analysé en Conseil des ministres et retourné pour être retravaillé sur certains aspects. À l'issue de l'analyse du projet retravaillé, le Conseil l'a trouvé conforme aux recommandations qui avaient été formulées et l'a adopté moyennant quelques légères corrections. Et lors de divers dans son conseil des ministres, le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et Mines a demandé à l'administration municipale de coopérer avec les transporteurs de bennes afin qu'ils puissent émettre du gravier dans les nids de poules qui s'observent dans les routes de la ville de Bujumbura en attendant leur réhabilitation. Encore une fois, suivez Prosper Naogwamiye, il est porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines a demandé que la mairie collabore avec les propriétaires des camions BEN pour rendre praticables les routes détériorées en y versant du gravier en attendant leur réhabilitation. Il a également demandé de signaliser les trous des canaux d'évacuation des eaux se trouvant au milieu des routes qui n'ont plus de couvercle pour éviter les accidents. Et nous devons ces éléments sonores à nos confrères de la Radio Nationale. Parlons toujours de route pour clore cette édition. Il sort ça en Védeni de Poule dans la route Makamba-Bururi. Presque toute la route est menacée, mais les parties les plus menacées sont Kugwa-Makamba, Gahosha, Mulenge où le pont est presque tout écroulé, à Gatanga, Choganyana et Rubanga. Les voitures semblent ne plus user cette route. Les motards disent que c'est au mauvais état de cette route, cause le déboulonnement de leurs outils ainsi que les accidents. Les passagers à leur tour se voient les prix de déplacement monter. Tous demandent que cette route soit réhabilitée. Jérôme Hakitimana. Si on prend la route Makamba-Bururi, juste au début, on la voit praticable et on peut penser que la situation va rester ainsi jusqu'à sa fin. Mais arrivé au bar se trouvant dans le quartier Mukoni, communément appelé Kugwa-Bururi, la dite route a été abandonnée suite aux chronies de poules qui s'y trouvent, causées principalement aux eaux de pluie qui se sont tracées de passage dans cette route. Pour ça, tout véhicule passe dans une autre voie étroite qu'on qualifie de dépannage, qui ne mesure pas plus de 3 mètres de largeur, qui, depuis ses bars, passe sur la colline Kugwa-Makamba, jusque là où elle se rencontre avec la principale, difficilement praticable, car il s'agit de la côte et surtout quand il a plu, comme l'ont déploré certains usagers de cette route. Au début, jusqu'au milieu de la colline Gahosha, toujours dans cette même route, on observe aussi des nids de poules, causés principalement par des eaux de pluie, suite à l'absence des canaux d'évacuation de ces eaux. À 100 mètres du centre Mulenge, on arrive au Pondurumu, qui est presque tout écroulé, ce qui rend la circulation presque impraticable à son niveau. Les usagers de cette route passent dans l'eau de cette rivière si cette dernière n'a pas inondé. Seuls ceux qui ont le cœur dur passent sur la bordure restante de ce pont avec risque d'y tomber car, comme disent certains, ils ont déjà subi des pertes humaines qui essayaient d'y passer. En continuant, à Gitanga, certains gros nids de poules contiennent encore des ondes de pluie après 4 jours qu'ils ne pleuvent pas. À Choganyana, là, il s'agit d'une côte, la route est sensiblement menacée. On observe que les nids de poules, causés par les ondes de pluie qui se sont tracées le passage dans cette route. Et un motard qui venait de Bururi, rencontré à 1 km de Choganyana, c'est aux environs de 25 km depuis Makamba, nous a fait savoir que depuis Bururi jusqu'à là, toute la route connaît un mauvais état, mais Karubanga c'est le pire. Pendant 4 heures que nous avons passé dans cette route, nous n'avons vu aucune voiture qui y passe. On voit surtout les conducteurs des vélos et motos, et ces derniers disent que ça cause des accidents, car les usagers de tous les sens se retrouvent dans une seule et même priorité, cherchant là où peuvent bien passer les pneus. Quant aux passagers, ils déplorent qu'ils se voient les prix de déplacement énormément montés. Tous qui se sont exprimés demandent que cette route soit réhabilitée. Depuis Makamba, Jérôme Hakizimana, Radio Isanganiro. Merci Jérôme Hakidimana. Ainsi s'achève cette édition à 13h16. Je dis merci à vous tous qui l'avez suivi. Mes remerciements s'adressent également à Pitas qui est de l'autre côté de la cabine technique. Eli Nibel, Nibigilajte à la présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.